Pourquoi, mon Dieu, je suis venu au monde? Pourquoi donc suis-je né ici-bas? Tu es l'amour éternel, la beauté de l'amour. Tous les matins le soleil se lève. Tous les soirs le soleil se couche. Pour toujours, Wallah, Wallah, unis tous les deux, nous chantons ensemble la beauté de l'amour. Sur la terre.